Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à La Parole est à vous, donc sur le 107 FM. Voilà, alors aujourd'hui on va parler de la lutte contre les pesticides quand même, j'en dirai quelques mots. Puis surtout on a Sandy comme invitée et elle veut vous parler un petit peu du problème du prix de l'essence et du fioul. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. On peut penser que la manifestation du 17 novembre sera importante, puis d'ici effectivement le 17 novembre, il y aura pas mal de mobilisations sur ce thème. Alors, est-ce qu'il fallait se mobiliser par rapport au prix du carburant? Ben, ça va être un petit peu un débat entre nous, là, justement, pour essayer de voir clair dans ce problème du prix des carburants qui a terriblement augmenté depuis le début de cette année. Voilà, je résume un peu la situation. Oui, tout à fait. Bonsoir, Sylvie. Bonjour, oui. Voilà, je vais parler quand même du problème des pesticides, puisque le mois de novembre, fin octobre, début novembre, il y a des différentes manifestations, différentes prises de contact pour la lutte contre les pesticides. Alors, je n'ai pas eu l'occasion d'inviter encore des amis qui voulaient vous parler de cet important problème, hein, et qui se mobilisent sur le secteur avec des tas d'associations, justement, pour la lutte contre les pesticides. En particulier, je citerai Michel Claudel et Daniel Valentin, hein, qui ont fait parvenir certainement un nombre de nos auditeurs des mails pour l'opération dite coquelicot, c'est-à-dire offrir des coquelicots, arborer un coquelicot lors de différents contacts qu'ils ont pris dans différentes communes. Voilà, quand même, je crois qu'il fallait qu'on parle de cet important problème, parce que on a l'impression que les pouvoirs publics prennent de plus en plus en compte ce problème des pesticides, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup d'actions concrètes pour éviter les pesticides, puisqu'on sait très bien, par exemple, qu'on n'a pas réussi à interdire le glyphosate, alors que maintenant, il est prouvé que le glyphosate est particulièrement contestable dans ses utilisations et donc nocif à la santé, puisqu'on y trouve des perturbateurs endocriniens. Ajoutons à cela, à propos du glyphosate, que c'est l'un des pollueurs de la Cleurie, la rivière de la Cleurie, pas loin de nous, puisque les blanchiments de Gérardmer vont traiter du coton OGM, et dans ce coton OGM, évidemment, il y a des insecticides, il y a des molécules d'insecticides dans les OGM, ça contient du Roundup, le fameux glyphosate, donc on est toujours dans le produit de Monsanto Bayer. Voilà, je pense avoir résumé la situation. Tu es intéressé par ce problème des pesticides? Oui, plus ou moins. Je pense que, comme la plupart des gens, que le grand public accroche un peu par rapport à ça? On n'est pas assez renseigné, en fait. Et puis, bon, on achète ce qu'il y a aussi sur les étalages, hein, les tomates, ceci, les fruits, les légumes. Tu sélectionnes pas? Non, pas spécialement. Non, je crois que je suis comme tout citoyen qui se respecte, on prend et puis on fait confiance à l'agriculture. Il paraîtrait que 75% voilà. Des Français aujourd'hui sont sensibles à ce problème des pesticides et recherchent quand même des informations pour justement éviter les pesticides, les insecticides, les différents produits chimiques qui arrosent les récoltes. Hein. On a vu dans certains reportages, en particulier sur la 2, des écoles qui sont situées en plein milieu des vignes et où des élèves de l'école, des enseignants avaient des problèmes par rapport aux pesticides qui sont utilisés massivement dans les vignes. Oui, voilà. Après, il faut aussi peut-être, avec le monde actuel, c'est vraiment boulot, excusez-moi un peu l'expression, mais c'est quand même boulot dodo. Un petit peu côté famille quand même, un petit peu de temps pour la famille. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas non plus peut-être avoir le temps de se renseigner sur vraiment le problème en lui-même. Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai aussi que les, que les informations consommateurs sur les produits sont quand même relativement succinctes. Et on ne sait pas trop si tel ou tel fruit, par exemple, est oui, fruits ou légumes, traité voilà. avec tel ou tel insecticide, tel ou tel pesticide. Et c'est quand même encore dommageable. Hein. Même si la législation a fait des progrès en la matière, voilà. il y a encore une insuffisance d'informations pour savoir exactement d'où vient le produit et comment il a été cultivé et traité. Voilà, puis avec après tout ce qui se passe dans le monde, bon, bah, c'est vrai que les informations, le journal télévisé, pareil, hein, ils ne peuvent pas non plus consacrer spécialement à chaque fois un problème à long terme, quoi, on va dire. Est-ce qu'ils en ont aussi la volonté ? On pourrait se oui, poser la question. Oui, hein, certainement. À part des dossiers de la 2, comme... Certainement. Comme Lucet qui traite quand même des dossiers assez d'actualité et assez explosifs, j'allais dire, ou bien Arte dans Théma, il y a quand même, ça manque quand même encore, quelquefois la 5, ça manque quelques d'informations quand même sur tous ces scandales sur l'alimentation en général. Hein. On a vu les difficultés. On a vu les difficultés pour obtenir des informations du lait contaminé, bon, etc. Mais bon, voilà. On va peut-être parler alors avec toutes les controverses qui peut y avoir sur cette mobilisation du 17 novembre qui a déjà commencé. Particulièrement ceux qui n'ont pas le temps de manifester le 17 novembre. Ce qu'ils font maintenant, on a décidé aussi avec les gens qui travaillent aussi également, hein, c'est de mettre le gilet jaune sur le pare-brise. Comme ça, bon, bah, même s'ils ne peuvent pas manifester, ce qui est tout à fait logique, hein, s'ils ont du travail, si ce n'est pas les bonnes heures, si le week-end là, ils avaient prévu quelque chose... En famille, entre amis, n'importe. Je veux dire le week-end du 17 novembre, voilà. Hein, pour la journée de mobilisation du 17 novembre. Mais il y a déjà quand même pas mal de personnes qui ont mis déjà le gilet sur le pare-brise de la voiture. Et pour ceux qui n'ont pas de voiture comme moi actuellement, pour l'instant, eh ben, j'ai mis un gilet à ma fenêtre de salle de bain. Comme quoi que j'ai bien marqué tous contre eux, la hausse. Bon, il y a le gasoil, mais en même temps, il y a beaucoup de taxes de partout. Quand on voit qu'il y a les timbres, que ce soit... Oh, il y en a quand même pas mal, hein. J'ai pas tout en tête, Est-ce que c'est pas un mélange assez hétéroclite de parler d'un peu de tout ? Parce qu'on a l'impression que ceux qui contestent le prix des carburants aujourd'hui, à juste raison, c'est certainement. Normal, si, parce certainement, que bon. il y a aussi une contestation, j'allais dire presque anti-Macron, tout azimut, avec c'est pas spécialement politique, proprement parlant. C'est surtout qu'il faut quand même qu'on se rebelle un petit peu aussi. Oui, une contestation. Parce que maintenant, si on n'a pas de travail, après, s'ils mettent une hausse. Bon, le gasoil, pourquoi ? Parce que. C'est un petit peu... tout le monde en a besoin. Oui. À l'heure d'aujourd'hui, tout le monde en a... Dans des pays comme le nôtre. Tout à fait. Dans un secteur de montagne comme le nôtre, c'est vrai qu'on peut difficilement se passer de véhicule. Voilà. Après, on peut dire... Et d'ailleurs, le prix de l'essence a augmenté presque autant, globalement, que le prix du gasoil. Voilà, tout à fait. Et en fait, même si les personnes peuvent prendre le bus, les transports en commun... C'est quand même mieux d'avoir sa propre voiture, puis d'en avoir, surtout quand on a vraiment besoin d'aller chez le médecin ou autre, un rendez-vous assez lointain, c'est pas évident de... Et puis comme on dit, hein, c'est quand même... c'est utile, hein, c'est pas forcément agréable, parce que de toute façon, quand on achète une voiture, bon, bah, c'est quand même un sacré montant. C'est un gros sacrifice, finalement, voilà, hein, d'avoir un véhicule quand on a un petit budget. Savoir que c'est pas non plus... Voilà, quand on vit déjà avec un petit budget... Et puis rajouter en plus la voiture qui est nécessaire, mais en plus, sachant que l'État, sans même la citer, mais l'État en profite quand même en disant on va augmenter ça, il y en a besoin, donc il faut le faire. Bah oui, mais je m'excuse, c'est peut-être une parenthèse. Tu veux dire ça rend un petit peu otage les automobilistes exactement. Par rapport au prix du carburant. C'est ça, tout à fait. Ensuite, je ne vais pas jeter la pierre, mais quand on sait, ça c'est une parenthèse, hein, évidemment pas très gentil, mais quand on se renseigne bien et qu'on est à fond dans le sujet, on sait quand même que l'État va se fournir en gasoil en Espagne. Donc pourquoi augmenter la France, alors qu'eux ne font même pas l'effort non plus, parce qu'ils sont quand même malins dans ce sens-là. Et c'est le petit Français qui va encore payer. Non, il faut aussi que les citoyens montrent quand même un mécontentement en se disant « Attendez, vous nous prenez pour des petits veaux, quoi. » Alors, c'est justement un problème que je voulais aborder avec toi, c'est-à-dire le prix du carburant dans les autres pays de la communauté européenne, hein, à savoir en Espagne, en Italie, au Luxembourg, parce qu'on sait très bien que quand Lorraine, surtout dans le nord de la Lorraine, beaucoup vont faire leur plein au Luxembourg. Bah, le gasoil, je crois, est 1 €. Je suis désolée, mais quand j'avais ma voiture, je vais y aller. On m'amenait même des jerrycans d'essence. Bah oui, je suis désolée, mais c'est comme ça. Hein. Bah oui. Après, il y a des taxes là-dessus, il y a des taxes autre part, il y a encore des taxes autre part. Bon, j'ai cité les timbres. Ça existe aussi pour le tabac. Voilà, exactement. Même si je suis fumeuse, j'essaie d'arrêter, mais oui, malheureusement. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une harmonisation quand même européenne? Moi, je pense que ça serait aussi sympa dans ces cas-là, vu que l'État veut se mettre un petit peu... en tête, moi, petite Française, qui n'ai pas grand-chose, je suis une poussière là-dedans, mais bon, je suis quand même là. Alors je me demande, à quand la taxe sur les salaires présidentiels? Ça fait un pic, hein, je sais, mais... Je pense qu'il y en a une quand même, mais bon... Non, je ne pense pas, non. Ils n'appellent pas ça des salaires, c'est des indemnités, hein, c'est comme les députés... Ah, ça, c'est bien malin de leur part, mais C'est vrai que, de toute façon, un élu, en général, va payer quand même des impôts sur ce qu'il perçoit, et la CSG aussi. Hein, et puis bien sûr, s'il veut assurer sa protection sociale par rapport à ses indemnités, il y a aussi un prélèvement pour la retraite en particulier. Mais le problème n'est peut-être pas là. Le problème, c'est peut-être d'exposer à nos auditeurs, comme le font certains médias, mais peut-être insuffisamment, les enjeux pour l'environnement, etc., des carburants, mais pas seulement, parce qu'on a l'impression que... Enfin, ce que j'entends autour de moi, c'est des personnes qui vont dire, c'est bien gentil d'augmenter le prix des carburants pour limiter le trafic routier, mais en réalité, ça ne limitera pas le trafic routier dans des secteurs comme le nôtre, puisque de toute façon, les gens sont obligés de prendre leur voiture. Il y a une insuffisance notoire de transport en commun. Tout à fait. À contre-courant, on va supprimer des lignes ferroviaires, hein, puisqu'il est toujours question, de manière assez fréquemment, de parler de la suppression de la ligne, par exemple, Épinal-Saint-Dié, ce qui serait une catastrophe, si on veut, pour l'environnement, pour les personnes qui n'ont pas de moyens de transport. Donc, on peut se dire, augmentation, même quand on est écologiste, se dire l'augmentation du prix du fioul, c'est bien gentil, mais ça devrait servir uniquement pour l'environnement, pour les transports collectifs, hein, pour promouvoir les transports collectifs et non pas pour grossir le budget de l'État. Voilà. Hein, parce que c'est ça. Oui. Alors on dit, mais c'est pour justement le déficit des services publics. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, quand on habite en milieu rural ou en milieu montagnard, comme c'est le cas dans les Hauts-de-Vosges, les transports collectifs sont insuffisants. L'accès aux soins est de plus en plus problématique. Hein, on est en train d'éloigner la santé des usagers. On sait aussi que tous les services publics ferment les uns après les autres. Donc on peut se dire quand même, on peut l'avoir amer en se disant, on augmente le prix des carburants, on est quand même obligé de prendre nos véhicules parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis d'un autre côté, ça ne sert même pas pour les services publics, pour l'environnement. Non, voilà, exactement. Hein, c'est ça qui peut être fait. Une personne âgée qui n'a malheureusement plus les moyens ni la capacité de conduire peut notamment prendre, par exemple, le bus ou... ici, il n'y a pas de tramway, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. C'est pas très aménagé pour les handicapés, les bus. Non plus. Pas trop. Maintenant, un petit peu plus. Certaines lignes font quand même des efforts. Oui. Mais c'est même pour une simple personne âgée. C'est le cas pour Grand Est, par exemple. Voilà, Grand Est, beaucoup. C'est aménagé, hein, on peut embarquer, oui, par exemple, facilement. Sur le train, il y a l'écusson d'accord. Handicap aide. aide handicap ou un truc comme ça. Et en fait, oui, là, c'est bien. Mais voilà, ici, par exemple, Saint-Étienne-Remiremont, on ne peut pas aller, par exemple, en train à Saulsure ou autre, plus loin. Quand avant, il y avait, je regrette quand même qu'ils aient retiré tout ça pour... Après, c'est leur petit truc à eux, mais bon, on ne peut pas se mettre à leur place. Ils peuvent pas. Ah bah, à l'époque, à l'époque de suppression des lignes... Des lignes SNCF, Mosdot-Moselle en particulier, il y avait aussi Mirecourt, mais enfin, c'est ce qui nous concernait, c'était Mosdot-Moselle. Et la radio locale, d'ailleurs, était très, très militante, notre radio locale était très militante par rapport à cette suppression, contre la suppression de ces lignes-là. De toute façon, les élus ne nous soutenaient pas, à part M. Spiller. Coco Spiller, à l'époque, qui nous soutenait. Autrement, les autres élus ne nous ont pas tellement soutenus en disant « Oh, de toute façon, c'est plus rentable, les gens n'ont qu'à prendre leur bagnole ou bien prendre le bus. » Ben voilà. Ou bien prendre donc le c'est bus. Un petit peu un match de basket. C'est tant de points... On compte les points de chaque côté. Voilà, exactement. C'est malheureux à dire, mais oui, c'est parti comme ça et malheureusement, ça ne va pas s'arranger. On a obligé les gens à prendre leur véhicule personnel et puis aujourd'hui, au jour actuel, on les taxe assez lourdement sur le prix du carburant. À l'heure actuelle, on reproche aux gens de consommer un peu trop de carburant, une société de consommation, une société de ceci, de cela. Bah oui, mais alors dans ces cas-là, comment faire? D'autant plus qu'on a quand même... j'allais dire, peut-être pas obligé, mais on a quand même fait la promotion des transports individuels depuis de nombreuses années. On a même fait, pendant des décennies, la promotion du véhicule diesel, surtout en France, puisque c'était véritablement une originalité française, le fait de rouler au diesel. On a quand même fait la promotion de ce type de véhicule pour se percevoir ensuite qu'il y avait quand même beaucoup de particules fines, etc. etc. C'est vrai. Alors, maintenant, comment concilier à la fois la défense de l'environnement, en particulier les problèmes climatiques? Et puis, qu'on ne peut pas nier, je ne pense pas. Enfin, il n'y a guère que Trump au niveau de la planète qui nie ça contre toute évidence. Mais enfin, il raconte tellement de bêtises qu'on ne peut quand même pas le croire. Comment à la fois protéger l'environnement, comment à la fois transformer le parc automobile, et peut-être, la transformation du parc automobile, c'est pas non plus très évident, parce que quelqu'un a dit, mais de toute façon, fabriquer des véhicules électriques, ça va aussi coûter énormément d'énergie. Ah bah bien sûr. Parce qu'il faut les fabriquer. Il faut fabriquer des batteries avec des terres rares, ce qu'on appelle les terres rares, des métaux rares, comme le lithium ou autre pour fabriquer des batteries qui tiennent le coup, en sachant qu'il faudrait multiplier les exploitations de ces fameuses terres rares, y compris en Afrique, alors que les populations sont déjà surexploitées dans ce type d'extraction de minerais. Il faut voir que, par exemple, comme le coltan qu'on a dans nos téléphones portables, ce que ça peut faire comme inconvénient, comme contrainte pour là où il extrait, sachant que c'est des monopoles qui sont derrière, que l'armée n'hésite pas à protéger ses ressources minières dans ces pays-là, qu'on a quand même des enfants qui travaillent, etc. Donc on est de toute façon, d'une manière comme d'une autre, responsable des problèmes que peuvent générer la fabrication en particulier des batteries, y compris dans nos téléphones portables. Oui. Voilà, on va peut-être, si tu le veux bien, s'accorder une pause musicale pour... au choix de notre cher technicien pour avant de poursuivre cette émission. Voilà. Je sais bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi, mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Y'a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert il y a de l'air, c'est déjà ça. Quand je danse en marchant dans ces djellabas, ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Déjà ça. Déjà. Pour vouloir la belle musique, soudain mon soudain. Pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, soudain mon soudain. Suite la parole échangée, on te casse les dents. Oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assis rue Belleville, au milieu d'une foule, et là le temps est morphine, court. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà. Et bien voilà, nous reprenons en tête avec Sandy, qui est notre invitée d'aujourd'hui. Et on parle bien sûr des problèmes actuels. Hein. On a parlé un petit peu des pesticides. Je pense qu'on ne peut qu'inviter nos auditeurs à rejoindre les différentes manifestations en ce qui concerne bien sûr la demande qui est faite, qui est de plus en plus pressante, d'interdire les pesticides, en particulier certains pesticides qui sont particulièrement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Et puis on parle bien sûr de la hausse du carburant, hein, qui a quand même atteint des proportions énormes cette année, puisqu'on en est à plus de 20% pour le fioul et je ne sais plus, 12 ou 15% pour l'essence. 12% pour l'essence. Hein, et puis d'examiner un peu ces hausses, comment que ça affecte la population locale. Hein, pour dire, parce que c'est vrai que si on se situe dans une grande ville où il y a des transports en commun, où justement la circulation automobile est nuisible, on pourrait dire, hein, elle va générer des tas de problèmes et de contraintes, autant que dans des pays comme le nôtre, on peut se poser la question, comment peut-on se priver de véhicules individuels, etc. Hein, que ce soit pour se déplacer au travail, malheureusement, pour le travail, je crois qu'il y a de plus en plus d'horaires atypiques. Hein, on voit bien des gens qui sont obligés de travailler le dimanche, de plus en plus nombreux, la nuit, de plus en plus nombreux. Et donc les transports en commun pour celui qui travaille, et c'est absolument insuffisant pour pouvoir se déplacer aux horaires qui sont imposés maintenant aux travailleurs, hein, avec une vie de plus en plus en miettes. Hein. Je citais l'autre jour dans ma chronique le problème du travail du dimanche qui devient quasiment obligatoire, hein, parce que quand on a généralisé le travail du dimanche, en particulier qu'on a facilité le travail du dimanche partout, au détriment d'ailleurs du petit commerce local, on a aussi créé énormément de contraintes pour les salariés. On a dit au début, c'est le rôle des volontaires pour travailler le dimanche. Seulement, on voit que dans les supermarchés, par exemple, les contrats qui sont signés par les nouveaux embauchés, même des contrats à durée déterminée, comprennent l'obligation du travail du dimanche. Mmh. Alors, on voit bien que de toute façon, aujourd'hui, le dimanche, les jours fériés ont été complètement banalisés dans la grande distribution. Pas seulement. Hein. Et je disais l'autre jour qu'il est plus facile de se procurer un marteau et des clous le dimanche que de se faire soigner dans un centre hospitalier ou bien de trouver un médecin de garde. Hein, puisque à partir du vendredi soir, on ne trouve plus grand monde. Non. Hein, et on parle, bien sûr, dans un établissement hospitalier comme celui de Remiremont, non pas de le fermer complètement, mais de ne plus assurer la permanence des soins 24 heures sur 24, comme c'est le cas auparavant. Donc là, ça veut dire aussi que la plupart des gens seront amenés à se déplacer vers Épinal, Nancy, on ne sait pas trop où, ou bien pour les Haute-Saônois qui habitent près des Vosges à Vesoul. Et donc, ça veut dire aussi que l'on met énormément de personnes sur la route avec des frais considérables pour les déplacements. Hein, parce que peut-être que le patient, il paraît qu'on dit client maintenant, c'est horrible. Que le patient, il va peut-être être amené à l'hôpital avec une ambulance, avec un véhicule sanitaire, hein, pour résumer la situation. Mais par contre, la famille qui ira visiter, malheureusement, elle sera bien obligée de prendre le véhicule personnel et donc à ses frais. Et puis de se rendre à l'établissement le plus proche pour aller visiter le malade. Hein. C'est ça le problème. En sachant aussi qu'il y a une controverse aujourd'hui par rapport, on a toujours dans le prix de revient des transports, il y a une controverse aujourd'hui parce qu'on voudrait faire supporter aux établissements hospitaliers les déplacements en particulier interhospitaliers. Alors quand on sait qu'on supprime des services dans de nombreux établissements hospitaliers et qu'on oblige finalement à transférer des patients qui vont bénéficier de consultations ou de chirurgie ambulatoire vers un autre établissement s'il y a véritablement à compléter des soins ou bien encore un autre établissement s'il y a des soins de suite, tout ça c'est des transports routiers qui pollue forcément et qui coûte cher souvent ou à la sécurité sociale ou à l'établissement hospitalier ou au patient lui-même, hein, suivant bien sûr la catégorie de transport. Voilà, et puis cette augmentation bien sûr du prix du carburant va automatiquement grever le budget des entreprises sanitaires, de transport sanitaire, et va grever automatiquement aussi pour les transports de plus grande distance, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, l'économie mondiale est telle que on va assembler des pièces d'une automobile un peu partout, quoi. Elles vont venir d'un peu partout, hein. On va très bien avoir un moteur qui est fabriqué au Portugal, un assemblage qui se fait en Tchéquie ou en France, ou des pièces qui vont venir d'Espagne ou même de la Scandinavie et qui vont traverser dans des camions toute l'Europe. Je crois quand même que l'économie, il faudrait, avant de parler du prix des carburants et puis du véhicule individuel, il faut aussi regarder, je pense, la manière dont le commerce mondial, l'industrie mondiale a été établie, et puis ce qui a favorisé les échanges, mais ce qui a favorisé aussi énormément de transports, hein. On voit quand même, on voit quand même le trafic routier, c'est quand même dément. Alors, on peut très bien déplorer que la manifestation, en particulier en Bretagne, des bonnets rouges, a fait que le gouvernement de l'époque a reculé sur la taxation par rapport au transport routier, mais on en arrive aujourd'hui à taxer le particulier, quoi, hein, au lieu de pas taxer un petit peu tous ces déplacements qui sont particulièrement... nocif à l'environnement, on pourrait dire, on a préféré se rabattre uniquement sur l'automobiliste. Voilà, en gros, quand même, il faut quand même le rappeler, parce que souvent, quand on parle du prix du carburant, par exemple, on oublie pourquoi, le comment, etc. Hein, je crois quand même que ce serait du devoir aussi des gouvernants européens en particulier, et des pouvoirs publics, de regarder quand même tous les transports, quels qu'ils soient, et non pas uniquement vouloir taxer le particulier. Mmh, oui, oui. Alors, je sais pas comment, si tu partages après, mon point de vue. Oui, oui, tout à fait. Mais après, il y a des gens, quand même, bon, ils ont leur choix, hein, mais ils vont nous dire, prenez les vélos. Prenez les vélos, mais à n'importe quel âge, on peut avoir mal aux genoux. On peut avoir de gros soucis de genoux, de cartilage, de... Tu n'as pas forcément les moyens de se payer un vélo électrique. Voilà, hein, non, en plus. Donc non, on ne peut pas dire à tout le monde. Et puis ceux qui habitent, on va dire une bêtise, soit à Saulxures, Cleury, là où c'est vraiment serpenté, que ce n'est pas très éclairé ou que c'est vraiment en retrait, dire qu'il faudra descendre... Léo de la Bresse ou de Bussan, par exemple. Voilà, exact. Hein. Hein, descendre à vélo pour travailler à Remiremont parce que l'entreprise a peut-être une aile sur Remiremont. Il va dire oui parce que c'est son travail et puis qu'il veut pas le perdre, son travail, alors il va aller à vélo. Alors il faut le faire quand même, hein, autant de routes. Il n'y en a quand même pas beaucoup qui font des distances aussi importantes. Parce qu'on a le choix d'avoir acheté une voiture avec leur publicité, avec l'indépendance aussi. C'est quand même une valorisation d'avoir son propre véhicule, oui. De se dire bon, c'est comme les taxis par exemple. Ne pas être dépendant des horaires, surtout. Voilà, hein, exactement. De pouvoir dire, je vais conduire mes enfants à l'école, je vais faire des courses, etc. Voilà, et puis j'ai besoin d'un véhicule dans des pays comme ici, parce que, voilà, hein, on n'est pas en ville. C'est vrai que tu cites le cas de personnes qui habitent à Cleury ou ailleurs, ou même dans des endroits plus isolés, et puis qui ont du mal de prendre les vélos. Puis on est quand même dans un pays où, effectivement, il pleut beaucoup. Il neige pas mal aussi, il y a du verglas. Il fait froid. Et rouler en vélo, ça va bien une certaine époque, quoi, hein, aussi bien pour les loisirs ou même pour des petits déplacements, autant que l'hiver, ça pose problème. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que les gens qui peuvent penser, mais il faut prendre les vélos, oui, certes, mais comme j'ai dit tout à l'heure, à tout âge, on peut avoir des problèmes de santé cardiovasculaire, on peut avoir de l'asthme, des problèmes de genoux. De gros problèmes de genoux qui ne peuvent pas, qui malheureusement a réduit quand même la prise de vélo, parce que c'est pas pareil, hein, évidemment. On peut être pour, effectivement. Moi aussi, je suis pour le vélo. Limiter les transports en auto, encore faut-il en donner le moyen aux gens, hein, quand on voit aussi. Quand on voit un petit peu. À l'instant, j'avais pris mon véhicule pour venir jusqu'au studio et je suivais un cycliste. C'est vrai qu'il y a un manque évident de pistes cyclables et quand il y en a comme à Saint-Étienne et Remiremont, par exemple, ils sont tellement étroites que ça devient dangereux, quoi. Ça devient dangereux pour le cycliste, étant donné que tu risques toujours d'être accroché par un rétroviseur ou autre. Alors, la plupart du temps, si on est un automobiliste prudent et respectueux des cyclistes, on évite de le doubler, quoi. On évite de le doubler, puis on roule au ralenti. Et puis aussi, je soulignais souvent le problème des aménagements urbains qui sont vraiment... qui nous font brûler du carburant pour rien. Hein, des parkings peu accessibles, on le voit sur Remiremont. Pas seulement, bien sûr, mais sur Remiremont en particulier, parce que c'est très caractéristique, hein, de parking où il faut se mettre en marche arrière, on va brûler beaucoup plus de carburant pour se placer, etc. Alors qu'on aurait pu faire d'autres dispositions de manière à pouvoir faire, par exemple, un demi-tour ou autre. Hein, il y a beaucoup d'aménagements urbains qui sont là, qui contrarient les automobilistes, mais qui n'apportent rien à l'environnement, qui n'apportent rien aux autres usagers des rues. hein, puisque de toute façon, on n'a pas de piste cyclable véritablement bien élaborée pour suffire à un trafic de vélo. Le trafic de vélo est dangereux la plupart du temps, hein, pour les utilisateurs. Et puis, bien sûr, ces aménagements urbains vont faire qu'on est obligé de brûler beaucoup de carburant pour pouvoir trouver une place de stationnement, pour pouvoir se stationner. Mais oui. Voilà, on va peut-être s'accorder une nouvelle pause musicale, hein, étant entendu que ça pourra permettre aussi la réflexion avec nos auditeurs, hein, sachant que cette émission est enregistrée, hein, aujourd'hui, et qu'elle sera diffusée à deux reprises, hein, c'est-à-dire à l'heure normale de La Parole est à vous, c'est-à-dire 20h, et puis donc jeudi matin à 9h, si je ne me trompe pas. Voilà. Que les jours soient trop longs, que nos vies soient trop courtes, l'enfer est sur nos talons, le paradis montre la route. Et les pièces du puzzle ne trouvent plus leur place, les grains les uns devant les autres s'effacent pour mieux se voir tomber au fond du sablier. Ramontenons bien nos pagaies, la rivière coule et se noie tous les jours. À la télévision, les nouvelles pagaies nous regardent vivre sans amour. De messes inutiles en banquets outrageants, ils trinquent ceux qui veulent changer nos dégaines. L'espoir est attaché à des poignées d'agents quand le pouvoir nous passe ses coups de fil de haine. Ramontenons bien nos pagaies, la rivière coule et se noie tous les jours. À la télévision, les nouvelles pagaies nous regardent vivre sans amour. Pourtant nous sommes des démocrates, l'exemple des droits, pays des libertés. Allons, quand on boit du picrate, n'en parlons pas comme d'un grand vin fruité. Ramontenons bien nos pagaies, la rivière coule et se noie tous les jours. À la télévision, les nouvelles pagaies nous regardent vivre sans amour. Un demi-siècle dans ma tête, à voir tellement de bombes tomber, à voir l'oubli au fond des fêtes, ne m'a pas vu abandonner. Ramontenons bien nos pagaies, la rivière coule et se noie tous les jours. À la télévision, les nouvelles pagaies nous regardent vivre sans amour. Je suis du genre de caractère assermenté pour les cris durs. J'ai toutes vos vies pour m'envoyer en l'air, et vous la mienne pour payer mes factures. Ramontenons bien nos pagaies, la rivière coule et se noie tous les jours. À la télévision, les nouvelles pagaies nous regardent vivre. Ramontenons bien nos pagaies, la rivière coule et se noie tous les jours. À la télévision, les nouvelles pagaies nous regardent vivre. Ramontenons bien nos pagaies, la rivière coule et se noie tous les jours. À la télévision, les nouvelles pagaies nous regardent vivre. Ramontenons bien nos pagaies, la rivière coule et se noie tous les jours. Bien voilà, nous reprenons en tête et nous parlons bien sûr de l'actualité, et en particulier de la hausse des prix des carburants, de différentes taxes, des produits énergétiques, j'allais dire aussi, hein, parce que tu l'as mentionné tout à l'heure, à savoir le prix de l'électricité, le prix du gaz, les taxes, la hausse de la CSG, qui n'est pas une taxe, mais pour alimenter la protection sociale, tout ça, ça concourt quand même à obérer le budget des ménages. Hein, puis en particulier, encore plus des personnes âgées, parce que, comme tu le soulignais tout à l'heure, quand on habite un peu à l'écart et puis qu'on est une personne âgée, c'est pas forcément le vélo, forcément prendre le vélo pour se déplacer. Hein, il faut un véhicule. Malheureusement, les transports en commun sont très restreints. Hein, et puis taxi, l'accès. Même j'ai beaucoup de respect pour les taximans, c'est comme leur métier aussi, il faut pas oublier. Mais à n'importe quelle heure, ils peuvent être appelés. Et ça, c'est pareil pour la personne qui prend le taxi, parce qu'elle n'a pas le choix autre. Donc, ça, c'est un coût quand même. Hein. Un coût énorme. Hein. C'est un coût bénéficié énorme. Hein, mais c'est un coût aussi pour le système de santé. Alors, si le prix du carburant augmente, forcément, même si les prestations, par exemple, sanitaires sont bloquées, il arrivera un moment ou l'autre où l'assurance maladie, les établissements hospitaliers seraient bien obligés de mettre à la poche pour compenser cette augmentation du prix des carburants. Alors on a une société qui, malheureusement, a été bâtie sur le tout automobile depuis bien des années. Et aujourd'hui, tout le monde est dépendant de l'automobile. Et donc, chaque fois qu'il y a des augmentations du prix du carburant, d'un bout à l'autre, ça va toucher le budget des ménages directement ou indirectement. Bah surtout que maintenant, c'est quand même beaucoup le couple qui travaille. Bah oui, en plus. Donc, il faut deux voitures. Donc, double augmentation pour les salaires, pour les personnes qui vivent en couple. Sont bien obligés. La personne ne va pas se lever, par exemple, si son conjoint ou son époux travaille à 5 heures du matin, voire peut-être même plus tôt, pour les boulangers ou autres. La personne va devoir se lever pour aller conduire son époux ou son conjoint, ou sa conjointe, hein, après, on est dans un monde moderne quand même, hein, il faut aussi parler pour tout le monde. Et ben voilà. Après, rentrer à la maison, préparer ses affaires, préparer les enfants pour aller à l'école, les déposer. Partir après avec sa voiture, ça va pas se faire. Ou les déposer chez la nounou. Voilà, et exactement. Là encore, malheureusement, il faut prendre un véhicule. Tout à fait. Hein. Donc, c'est quand même nécessaire. C'est quand même une nécessité. Après, là, maintenant, on est plus sur le compte de l'informatique, la modernisation, le robotisme, que je n'aime pas beaucoup, que je n'apprécie pas vraiment beaucoup, car ça fait perdre beaucoup d'emplois. Donc, peu de moyens pour les gens. Ça fait perdre beaucoup de temps parce que finalement, autrefois, il y avait des agents du service public, il y avait des personnes pour faire des opérations. Aujourd'hui, fais tes opérations toi-même et c'est quand même particulièrement chronophage. Hein, c'est ça. Parce qu'on se dit toujours, avec l'informatique, ça nous facilite la vie. Mais aujourd'hui, on sera bientôt obligé de passer plusieurs heures par jour devant son ordinateur. Devant l'écran, qui n'est pas bon pour la santé. Ça évite peut-être des déplacements, mais par contre, c'est quand même chronophage. Après, on ne peut pas dire aux gens, ce sera un contrat de faire comme ça, par Internet. Faire tout par Internet, c'est pas non plus... Et puis le social, il va manquer aussi. L'autre problème, bien sûr, le gouvernement actuel fait valoir le fait qu'on va diminuer les cotisations sociales. Hein, pour les salariés, mais c'est vraiment déplorable, pour une bonne raison, ces cotisations sociales vont manquer à l'assurance maladie, on taxe davantage les personnes âgées, les retraités pourtant qui n'ont pas des retraites mérifiques, si on a une retraite qui est un peu supérieure au SMIC, on est taxé, pour la protection sociale. Je sais bien que moi-même, c'est mon cas, je suis d'accord pour être taxé, mais encore faut-il qu'à côté de ça, que l'accès aux soins soit facilité pour les personnes âgées, pour les retraités. Hein, alors qu'on voit aujourd'hui, eh bien, pour trouver un ophtalmo, un rendez-vous d'ophtalmo, il faut un an dans les Hauts-de-Vosges. Pour, je voyais dans les urgences de l'hôpital une personne digne de foi qui m'a dit qu'elle avait attendu, qu'elle avait une gastro quand même très, très forte, elle avait attendu 12 heures aux urgences. À Remiremont, hein. Certes, c'est pas l'exception, Remiremont, c'est partout pareil, hein. Les urgences, on attend quelquefois des heures et des heures, pour laisser passer souvent des personnes qui sont accidentées ou autres, qui sont beaucoup plus lourdement, qui doivent bénéficier de soins lourds. Mais en tout cas, ça veut dire quand même que, l'accès aux soins aujourd'hui est de plus en plus problématique. Hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est pareil pour les gardes de médecins, etc. Et c'est très difficile de trouver un médecin de garde, enfin de pouvoir bénéficier de la médecine de garde aujourd'hui. Donc on peut se dire quand même, on peut être retraité, puis être quelque peu quand même amer, on peut dire, par rapport au sort qui est fait. Parce que payer pour la protection sociale davantage, ok. Mais si on a un accès aux soins, si on a un accès aux soins qui est de plus en plus difficile, ça, y a de quoi quand même être révolté, je pense. Ah ben c'est le cas, bien sûr, dans notre secteur des Hauts-de-Vosges. Être révolté. On le voit par rapport aux adhérents de l'association Adémat H en particulier, dire, écoutez, voir quand même, est-ce qu'on est vraiment des indigènes dans une réserve ou quoi, par rapport... Par rapport à l'accès aux soins, hein, puisque c'est quand même le souci de cette association de pouvoir maintenir les soins hospitaliers premièrement. Voilà ce qu'on pouvait dire, hein. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Je crois qu'il faut aborder quand même le problème des transports en général, parce que malheureusement quand on se situe uniquement au niveau de l'augmentation du prix du carburant, du niveau des taxes diverses, de l'énergie, etc., on pourrait s'arrêter là et puis ne pas regarder ce qui se passe à l'échelon mondial. Je crois que quand même il faut quand même avoir un regard global et local. Hein, parce qu'on a quand même manqué aussi pas mal de choses à l'échelon local, c'est-à-dire qu'on ne facilite plus du tout la proximité aujourd'hui. Hein, l'écotaxe n'a pas été retenue, et ça a été une grosse perte pour l'État. Pour l'État, pour les collectivités territoriales également. Et puis à côté de ça, on s'aperçoit quand même qu'on va faire venir à grands frais de transport... des fruits du Chili, d'Argentine, de Nouvelle-Zélande, je ne sais pas où. On pourrait quand même essayer aussi, pour les consommateurs, de réduire quand même au maximum cette consommation, frénétique, de produits qui viennent d'ailleurs. Là, je parle des fruits, mais comme tu le disais en aparté, c'est valable pour tout, hein, puisque de toute façon, même les objets, on va importer de Chine, de Thaïlande, ou d'ailleurs des produits qu'on pourrait très bien fabriquer plus près de chez nous. Parce que le coût des transports, est faible pour ces produits-là. Et beaucoup moindre pour ça. Mais on n'a rien contre la Chine ou les autres pays, il n'y a pas de souci. On les aime bien, on veut bien les accueillir. Mais bon, voilà. Après, c'est quand même pareil. La hausse du gasoil va quand même jouer sur le tourisme. Parce que les gens, avec, comme on disait tout à l'heure, les transports en commun dans les Hauts-de-Vosges, c'est difficile, même péripéties, des fois, pour avoir quelque chose. Donc, il va y avoir beaucoup moins de touristes, donc beaucoup moins de rente pour certains hôtels ou autres. Donc, ça va finir par se dire, on va fermer. Et puis, qu'est-ce qui va nous rester? Des robots, peut-être? Voyons. C'est vrai que le prix des transports intramuros, que ce soit de proximité ou à l'échelon d'un pays ou à l'échelon de l'Europe, ça produit d'autres résultats, d'autres contraintes en cascade, et donc les difficultés les difficultés, y compris pour le tourisme, c'est évident. Voilà, hein, les petits commerçants... En sachant quand même qu'on peut se poser la question quand même du développement des transports par la voie d'air, hein, transports aéronautiques, puis des transports par bateau, hein, des croisières par bateau. Alors certains ont dit que un gros cargo ou un gros paquebot, hein, un cargo qui transporte des conteneurs immenses, ce gros paquebot consommait autant qu'un million de véhicules individuels. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ceux qui distillent cette information, en particulier sur Internet, ont l'air d'être quand même fiables au point de vue, des calculs qui sont faits. Mais c'est vrai qu'on a pu s'apercevoir aussi, pour les bateaux hein, en particulier, les bateaux de plaisance, que c'était quand même un sacré souci pour l'environnement. Hein, quand ils font escale quelque part, ils brûlent énormément de fioul hein, pour maintenir les installations et puis offrir bien sûr tout confort aux passagers, et que c'était une pollution intense pour les riverains. Mais on en parle peu parce que bien sûr, il y a le problème du tourisme, il y a le problème de tout ça, mais là encore, il y a des choix à faire dans le développement économique, et peut-être avant de s'attaquer à celui qui est malheureusement obligé de prendre son véhicule individuel pour se rendre à son travail, pour ses loisirs, pour simplement l'accès aux soins, que sais-je encore, il y aura peut-être à s'attaquer aussi quand même aux grands transports internationaux. Parce qu'on peut aussi là développer des transports à l'énergie solaire. Le voit par exemple, on le voit sur le lac de Gérardmer ou un ami qui est bien connu, hein, il s'agit de Franou, a lancé, Éric de Franou, depuis longtemps une vedette solaire sur le lac de Gérardmer. Pourquoi qu'on ne multiplierait pas ce type d'expérience justement pour éviter la consommation de fioul? C'est déjà plus confortable pour les passagers, pour les touristes qui sont embarqués. Ça économise de l'énergie, hein, puisque les batteries se rechargent à l'énergie solaire uniquement. Et puis en même temps, ça fait beaucoup moins de bruit aussi pour écouter les commentaires du guide. Hein, donc c'est, tout est valable en la matière. Je crois qu'on a le tort au niveau des pouvoirs publics, mais est-ce un tort ou est-ce une volonté politique de limiter uniquement au transport individuel les problèmes environnementaux, les problèmes de l'énergie? Je crois qu'il faut quand même, il faudrait quand même qu'on globalise les problèmes, parce que malheureusement, l'économie mondiale a été globalisée et on en subit aussi bien les avantages, mais aussi les inconvénients au point de vue des transports, au point de vue de l'énergie, de la consommation de l'énergie, et forcément au point de vue de l'environnement. Hein, en sachant aussi que l'industrialisation des sols, de l'agriculture, crée aussi d'autres problèmes. Voilà. Hein, et l'industrie chimique est énergivore. Hein, on pourrait se passer quand même de pas mal de produits chimiques dans notre environnement, qui détruit notre environnement et qui mobilise de l'énergie pour les fabriquer. Voilà, tout est dit. Alors, tu nous parles un peu du 17, reparler un peu du 17. Alors oui, revenons au 17. Le 17 novembre, donc, il y aura quand même pas mal de manifestations sur les... Bon, les est-ce qu'il y en a une à Épinal, stations... est-ce qu'il y en a une à... Station essence, dans les Vosges, notamment à Romiremont, pour ne pas le citer, Cora a fermé 3 pompes à essence, il n'en reste plus qu'une sur les 4. Pour quand même ceux qui travaillent, hein. Mais c'est pour montrer le mécontentement. C'est pas pour nuire aux gens. Même les grands groupes comme ça. C'est très bien même. Hein. Au contraire, c'est peut-être là que ça va marquer. C'est peut-être un peu biaisé quand même parce que. C'est quand même pour eux aussi. C'est quand même un petit peu biaisé. Justement. Mais ils n'ont pas fermé les 4. Ils recherchent leur marge de profit. Tout à fait. Pour un meilleur profit. Si les gens ne peuvent plus se déplacer au supermarché parce que les produits sont trop chers et parce que les déplacements sont trop chers, on va Est-ce qu'il n'y a quand même pas un certain opportunisme de la part des patrons, des industriels, des transporteurs, etc., dans cette histoire-là, et qui profitent un peu de la mobilisation populaire pour continuer leur business sur le même Je pense que, de toute façon, en se disant, il n'y aura pas que moi qui vais y aller à cette manifestation, il y en aura d'autres. Donc oui, ça donne quand même un peu plus d'élan de volonté à le faire. C'est sûr que certains y vont avec des arrière-pensées quand même de garder leur leur business, quoi. Ah ben ça, on peut pas se mettre dans la tête à tout le monde, hein. Bah oui, ça, c'est sûr. C'est propre à soi-même, hein. Bien sûr, ça sera vraiment vite fait, hein. Des manifestations, mais évidemment de mécontentement, mais attention, hein. Est-ce qu'il y aura des défilés? Est-ce qu'il y aura des manifestations classiques? Je ne sais pas trop encore là, parce que j'ai eu pas mal de choses à faire, donc je ne sais pas trop. Il faudrait que je me renseigne. J'aurais dû me renseigner, mais j'ai pas eu le temps. Mais ceci dit, ce sera dans le calme, dans la sincérité, dans... Sérénité. Sérénité, merci. Et pas les petits groupes vouloir faiseurs de bazar. Non, merci. Vous n'êtes pas... C'est pas que vous n'êtes pas bienvenus. Il risque d'avoir quand même... Il risque d'avoir mais on de voudrait, nombreux blocages de circulation. On voudrait que ça marque les esprits le bon sens. Pas de rébellion. Il va y avoir quand même pas mal de blocages de circulation. Hein, voilà. Mais attention. Parce que les transporteurs routiers sont aussi de la partie... Ils sont avec nous quand même. Hein. Il y a quand même pas mal de routiers qui ont dit qu'ils allaient se garer. Également qu'ils allaient arrêter et qu'ils allaient essayer de se garer. Hein, je crois que pour ce jour-là, il y aura pas mal de contraintes tout pour ceux qui veulent se déplacer. Au problème, hein. Tout le monde est confronté à la problématique. Voilà, c'était intéressant d'en parler. Hein. C'est une problématique... Qu'on soit pour ou contre, la réalité, c'est que le 17 novembre, il risque d'avoir... d'importants problèmes pour se déplacer, justement. Oui, Est-ce que c'est pour une bonne cause? Voilà, pour certains, ce sera une bonne cause. Pour d'autres, ce sera un peu plus ambigu. En tout cas, la mobilisation populaire risque d'être extrêmement importante. Attention, hein, méfiant, si vous devez vous déplacer ce jour-là, il vaut mieux rester à domicile. Ou alors manifester. Manifester contre le prix des carburants et puis les différentes hausses de l'énergie en particulier qui affectent bien sûr très, très fortement le budget des ménages, en particulier en cette fin d'année. Voilà. En sachant que les gens, ils peuvent prendre des détours, hein, si seulement, si vraiment c'est bloqué, ils peuvent prendre un détour. De toute façon, on n'en est pas là. Non, et puis on n'est pas là pour embêter le monde civil. Hein, c'est surtout pour toucher l'État, voilà, pour qu'ils réagissent, qu'ils écoutent au moins les citoyens. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.